Doctrine d'Averroès. Union avec l'intellect actif, perception des substances séparées. L'intellect passif aspire à s'unir à l'intellect actif, comme la puissance appelle l'acte, comme la matière appelle la forme, comme la flamme s'élance vers le corps combustible. Or cet effort ne s'arrête pas au premier degré de possession, qui s'appelle intellect acquis. L'âme peut arriver à une union bien plus intime avec l'intellect universel, à une sorte d'identification avec la raison primordiale. L'intellect acquis a servi à conduire l'homme jusqu'au sanctuaire, mais il disparaît dès que le but est atteint, à peu près comme la sensation prépare l'imagination, et s'évanouit dès que l'acte de l'imagination est trop intense. Ainsi l'intellect actif exerce sur l'âme deux actions distinctes, dont l'une a pour but d'élever l'intellect matériel à la perception de l'intelligible, l'autre de l'entraîner au-delà jusqu'à l'union avec les intelligibles eux-mêmes. L'homme, arrivé à cet état, comprend toute chose par la raison qu'il s'est appropriée. Devenu semblable à Dieu, il est en quelque sorte tous les êtres, et les connaît tels qu'ils sont, car les êtres et leurs causes ne sont rien en dehors de la science qu'il en a. Il y a dans chaque être une tendance divine à recevoir autant de cette noble fin qu'il convient à sa nature. L'animal lui-même y participe, et porte en lui la puissance d'arriver jusqu'à l'être premier. Que cet état est admirable, s'écrie Ibn Rushd, et que ce mode d'existence est étrange. Aussi n'est-ce point à l'origine, mais au terme du développement humain qu'on y arrive, alors que tout dans l'homme est en acte et rien en puissance. Telle est cette doctrine de l'union, itizal, ou, comme disent les soufis, le problème du noué du tu, base de toute la psychologie orientale et objet constant des préoccupations de l'école arabe espagnole. Nous avons vu l'importante place qu'elle occupa dans les écrits d'Ibn Bajjah et d'Ibn Tofail. Ibn Bajjah y avait consacré deux traités ex professo, souvent cités par Ibn Rushd. Une nuance importante toutefois sépare la doctrine d'Ibn Rushd de celle de ses deux compatriotes. Chez Ibn Bajjah, l'union s'opère par l'ascétisme, par des procédés analogues aux vertus unitives de Jean Blic. Chez Ibn Tofail, le mysticisme déborde. On arrive à l'itizal, harmonie de la religion et de la philosophie, par le tournoiement du derviche, en se donnant le vertige, en s'enfermant dans une caverne, la tête baissée, les yeux fermés, en écartant toute idée sensible. L'Orient n'a jamais su s'arrêter dans le quiétisme sur la limite de l'extravagance et de l'immoralité. L'identification avec l'intelligence universelle par des procédés extérieurs a toujours été la chimère des sectes mystiques de l'Inde et de la Perse. 7 degrés, disent les soufis, mènent l'homme jusqu'au terme final, qui est la disparition de la disparition, le nirvana bouddhique, où l'homme arrive, par l'anéantissement de sa personnalité, à dire « Je suis Dieu ». La poésie elle-même est devenue l'écho de ses rêves. L'absorption en Dieu et la mort aux créatures est, sous le voile d'un bizarre allégorisme, le thème perpétuel de l'école persane et hindoustanie. « Ne va pas, dit Wali, demander à Avicenne de t'analyser cet amour, il ne connaît point les règles de cet art. » Il faut effacer tous les livres de morale, si le véritable Platon, Dieu, vient professer dans ton école. Ibn Rushd est toujours resté étranger à ses folies, c'est sans contredit le moins mystique des philosophes arabes espagnols. Il proclame hautement qu'on arrive à l'union que par la science. Le point suprême du développement humain n'est, à ses yeux, que celui où les facultés humaines sont portées à leur plus haute puissance. Dieu est éteint, dès que par la contemplation l'homme a percé le voile des choses et s'est trouvé face à face avec la vérité transcendante. L'ascétisme des soufis est vain et inutile. Le but de la vie humaine est de faire triompher la partie supérieure de l'âme sur la sensation. Cela fait, le paradis est éteint, quelque religion que l'on professe. Mais ce bonheur est rare et réservé seulement aux grands hommes. On ne l'obtient que dans la vieillesse, par un persévérant exercice de la spéculation, en renonçant au superflu, à condition aussi de ne pas manquer des choses nécessaires à la vie. Beaucoup d'hommes ne le goûtent qu'au moment même de leur mort, car cette perfection va presque toujours à l'inverse de la perfection corporelle. Al-Farabi ayant vainement attendu jusqu'à la fin de ses jours cette suprême félicité, déclara que ce n'était qu'une chimère. Mais l'aptitude à l'union n'est pas la même chez tous les hommes, il y a à cet égard une sorte de grâce sélective et gratuite. Cette théorie a un nom dans l'histoire de la philosophie, elle s'appelle le mysticisme rationaliste. C'est l'égosis des Alexandrins, c'est l'exagération de ce qu'Aristote avait dit avec sagesse et tempérance sur les effets de la spéculation, qui nous rapproche de Dieu et nous fait participer à sa félicité. Aristote suffit toujours pour expliquer les doctrines les plus hasardées de la philosophie arabe. On ne peut douter que la théorie de l'union ne soit calquée sur la description de la vie divine, telle qu'elle se lit au chapitre 7 et 11 du 12e livre de la Métaphysique. Le nous pense toujours, et toujours pense l'objet le plus divin, qui est lui-même. La pensée divine saisit le bien dans un instant indivisible, elle est l'actualité de toute intelligence, c'est-à-dire le souverain bien, car penser est le plus grand bonheur et la chose la plus excellente. Et ce qu'il y a d'admirable, c'est que Dieu jouisse éternellement de ce parfait bonheur dont nous n'avons que des éclairs. Dans le 10e livre des Morales à Nicomaque, le souverain bonheur de la vie selon l'esprit, de la vie contemplative, est décrit en termes plus magnifiques encore. Mais une telle vie, ajoute Aristote, est peut-être au-dessus de l'humanité, car ce n'est pas à titre d'homme que nous en jouissons, mais à cause de ce qu'il y a en nous de divin. Ainsi l'individualité et les limites de la nature humaine étaient scrupuleusement respectées. À la théorie de l'union se lit très intimement dans l'esprit des Arabes la question de la perception des substances séparées. Une question qu'Aristote s'est posée et qu'il n'a pas résolue a suggéré aux Arabes d'interminables conjectures. Après avoir expliqué comment le nous conçoit les choses abstraites, le philosophe ajoute, nous verrons plus tard s'il est ou non possible que, sans être elle-même séparée de l'étendue, l'intelligence pense quelque chose qui en soit séparé. Il n'est pas facile de dire en quel endroit Aristote a tenu sa promesse. Ibn Rushd entreprit de suppléer à son silence dans un traité resté inédit, mais dont nous avons la traduction hébraïque sous ce titre, traité de l'intellect matériel ou de la possibilité de l'union, et que deux philosophes juifs, Joseph ben Shem Tov et Moïse de Narbonne, ont accompagné de commentaires. Les Arabes, comme les scolastiques, ont entendu parler que Corismega d'Aristote, les intelligences séparées, les anges, les sphères, l'intellect actif. La question est donc de savoir si l'homme peut arriver par ses facultés naturelles et expérimentales à la connaissance des êtres invisibles. La réponse d'Ibn Rushd est affirmative. Si l'homme, dit-il, ne percevait pas ses substances, la nature aurait agi en vain, puisqu'elle aurait créé un intelligible sans intelligent pour le comprendre. Raisonnement, dit Zimara, qui a été réfuté par le docteur angélique, saint Thomas, et le docteur subtil, Jean d'Inscott, théologien franciscain. C'est, poursuit Zimara, comme si l'on raisonnait ainsi, aucun homme ne court donc aucun animal ne court. Mais Ibn Rushd était en ceci parfaitement conséquent, puisqu'il accordait à l'homme seul la faculté de percevoir les intelligibles, et que, dans sa pensée, l'intellect spéculatif ne se reflétait que dans l'humanité. Cette question d'ailleurs avait pour Ibn Rushd une importance beaucoup plus grande que celle que ses interprètes y ont attachée. La raison étant pour lui un principe cosmique, distinct de l'individu, demander si l'intellect individuel peut percevoir les substances séparées, c'est mettre en question la faculté transcendante de l'esprit humain. Dénier ce pouvoir à l'homme, c'eût été abaisser la raison au-dessous de la sensation, car l'intellect n'eût plus été qu'en puissance, tandis que la sensation, bien que ne s'appliquant qu'aux particuliers, est toujours en acte. L'entendement demande d'ailleurs est dans un parallélisme exact avec la sensation. Or, de même que dans la sensation l'agent extérieur, la lumière par exemple, est séparée du sujet, de même dans l'entendement l'intellect agent est séparé ou abstrait. En sorte que la question de savoir si l'intellect peut communiquer avec les substances abstraites, se réduit à savoir si l'exercice de l'intellect est. Aucune philosophie n'a insisté aussi fortement que celle des Arabes sur l'existence objective de l'intellect, et n'a tiré avec une logique aussi rigoureuse les conséquences de ce principe. Si l'intellect est hors de nous, où est-il? Quel est cet être qui nous fait ce que nous sommes? Qui concourt plus que nous-mêmes à nos actes intellectuels. Ni Aristote ni ses commentateurs n'ont répondu à ces questions, ou plutôt n'ont songé à se les poser. C'est avec le 12e livre de la métaphysique que les Arabes ont essayé de remplir cette lacune. Selon eux, l'intellect agent fait partie de cette hiérarchie de premiers principes qui préside aux astres et transmettent l'action divine à l'univers. Le premier est celui qui préside à la sphère la plus éloignée, le dernier est celui de la sphère la plus rapprochée de nous. L'intellect actif vient ensuite. Il faut avouer néanmoins que cet ordre hiérarchique n'est pas complètement d'accord avec la doctrine que l'on prête d'ordinaire à Averroès, et qui se trouve en effet exprimée dans l'abrégé de la métaphysique, un de ses ouvrages les plus importants. D'après cette doctrine, l'intellect actif serait identique à la dernière des intelligences planétaires, c'est-à-dire à la plus voisine de l'humanité. Les avéroïstes se séparèrent, du reste, sur ce point, de la doctrine de leur maître. Plusieurs même identifièrent l'intellect actif avec Dieu, quoiqu'Ibn Rushd ait formellement combattu cette opinion dans Alexandre. Un point au moins est hors de doute, c'est que l'intellect actif, commun à tout le genre humain, tel que l'entendait Ibn Rushd, ne ressemble nullement à l'âme universelle de l'univers, que l'on trouve dans plusieurs écoles de l'Antiquité, chez les stoïciens par exemple. Si la personnalité de chaque homme est gravement compromise par le système arabe, l'individualité de l'esprit humain est plutôt exagérée que méconnue, puisqu'il est transformé en un principe élémentaire, complètement distinct des individus. Ainsi la philosophie d'Ibn Rushd nous apparaît comme un système de naturalisme très fortement lié dans toutes ses parties. L'univers est constitué par une hiérarchie de principes éternels, autonomes et primitifs, vaguement rattachés à une unité supérieure. L'un d'eux est la pensée, qui se manifeste sans cesse sur quelques points de l'univers, et forme la conscience permanente de l'humanité. Cette immuable pensée ne connaît ni progrès ni retour. L'individu y participe à des degrés divers, d'autant plus parfaits, d'autant plus heureux que cette participation approche davantage de la plénitude. Quelle sera dans ce système la part de l'immortalité ? La logique ne pouvait permettre à cet égard aucune hésitation. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.